Chapitre 9e. C'est à ce moment, continua Madame V, après m'avoir raconté ou indiqué, car les femmes ont un art de tout dire sans rien articuler, qui leur permet de parler des plus vilaines choses de ce vilain monde sans y salir la pudeur de leur conversation. C'est à ce moment que je devins l'ami intime de Noémie, et que je reçus ses confidences, non pas toutes, et j'ignorais encore la cruelle scène entre la mère et la fille, si le marquis de Haen n'avait pas été, comme tous les jeunes gens de son âge, un étourdi et un vaniteux. Il ne put se retenir d'expliquer à une demi-douzaine de ses amis du club son aventure avec la comtesse, qu'il ne nomma point, mais eux la nommèrent, et comment cette aventure avait pris fin. Car la pauvre insensée avait bien eu le courage de rompre avec lui, mais non pas de lui cacher la cause de cette résolution. Elle avait eu la générosité ou la naïveté, comme vous voudrez, de croire au désespoir de ce jeune homme. À quoi j'ai dû ces confidences de Noémie? Vous savez comme ces choses arrivent presque toujours. Je me suis trouvé là dans un moment où son secret l'étouffait. Je me suis montré caressante pour elle, à la seconde où elle avait besoin qu'on la plaignît. Je me rappelle maintenant tous les détails. C'était par une après-midi de septembre. J'étais mariée depuis 2 ans alors, elle, fiancée depuis 6 mois. Elle ne se décidait ni à fixer le jour de son mariage, ni à quitter Paris, où elle demeurait sous le prétexte d'emplette, tandis que j'étais retenu de meilleure heure à cause de ma nouvelle installation. Dans l'indigence de toute société, nous nous voyions beaucoup. J'étais allé la prendre en voiture et nous avions poussé jusqu'au bois. Noémie était si pâle que je ne pus m'empêcher de lui parler avec plus d'affection qu'à l'ordinaire. Elle fondit en larmes. Je l'interrogeais. Et elle commença de me raconter son histoire. Ce ne fut pas, comme vous pensez, un récit suivi, mais des souvenirs qui s'appelaient les uns les autres et dont chacun était encore sanglant, comme la trace d'une blessure. Nous rentrâmes, et c'est dans cette même pièce, parmi ces mêmes objets, assise à côté de moi sur ce même divan, qu'elle me découvrit la misère de sa vie. Je vous laisse à deviner quel sentiment m'assaillir durant cette confession qui, visiblement, lui coûtait un terrible effort. Mais il n'est pas dans la nature humaine de taire tout à fait le fond de son cœur, et puis elle avait besoin d'un conseil. Elle voulait savoir, et elle me demanda si elle avait bien agi en rompant comme elle l'avait fait avec Sir Richard. Par une sorte d'hallucination que je n'ai pas rencontrée depuis, son amour des belles journées de Cannes était devenu pour elle quelque chose de vivant comme un être. Et elle se reprochait d'avoir tué cet amour, comme une mère se reprocherait d'avoir tué son enfant. Je ne pus lui répondre qu'en lui jurant que j'aurais agi comme elle. Je la comprenais si bien. Une femme qui aime véritablement éprouve le désir passionné de montrer tout son cœur à celui qu'elle aime. Et de ne pas pouvoir satisfaire ce désir est un des plus cruels supplices qui soient ici-bas. C'est surtout, pour un être aussi noble que Noémie, un crime de lèse-amour et comme un sacrilège. Mais quand elle me parla de ce mariage, qu'elle ne pouvait se décider à accomplir, je fus bien obligé de lui déclarer que je ne la comprenais plus. J'étais tout jeune alors. Je n'avais pas acquis cette indulgence que donne le sentiment de l'inachevé de la vie. Et puis, je ne pouvais pas soupçonner que la volonté de tromper les angoisses de sa mère avait dominé Noémie quand elle avait promis sa main à Monsieur de la Roche-d'Aida. Je voyais seulement qu'elle allait se marier, avec un autre amour dans l'âme, et s'engager pour toujours à un honnête homme qui croyait en elle, quand elle était incapable de l'aimer jamais. Pour elle et pour lui, ce mariage était un malheur, et pour elle, par surcroît, une mauvaise action. Les paroles où je lui exprimais ses idées la remuèrent intimement et réveillèrent sans doute en elle de secrets remords. Je n'obtins pourtant d'autre réponse que celle-ci. « Vous avez raison, mais tout est irréparable. » Elle répéta ce mot plusieurs fois, avec une voix qui me fait encore mal lorsque j'y songe après tant de jours. Irréparable, irréparable. À l'accent dont elle disait cela, il semblait qu'elle sentît comme une fatalité pesait sur elle. Il n'est pas impossible qu'elle ne se crût la victime expiatoire des fautes d'une autre. Et cela était-il si loin de la vérité? À la suite de cette conversation, ai-je besoin de vous dire que nous nous vîmes presque chaque jour. Elle me marquait une sorte de tendresse qui me touchait beaucoup. Car je savais dès lors que le mouvement d'âme qui suit une confidence est souvent un regret. si bien que notre abandon de cœur nous détache de nos amis au lieu de nous les rendre plus chers. Il n'en fut pas ainsi avec Noémie. Lorsqu'elle ne me voyait pas chez elle dans la matinée et que nous n'avions pas de rendez-vous fixé pour l'après-midi, que de fois il lui est arrivé de s'arrêter avec sa gouvernante à ma porte et de monter chez moi pour 5 minutes. Elle me prenait dans ses bras, posait sa tête sur ma poitrine et elle me disait « Il me semble qu'il n'y a que cette place au monde où je ne souffre plus. » Je lui parlais de sa mère, alors elle répondait « Ma mère est si bonne, elle m'aime tant, mais elle ne peut pas tout savoir. » Je me contentais de cette explication, et flattant de la main ses beaux cheveux, je lui demandais « Est-ce que vous continuez à ne pas vous rendre à mes raisons ?»« Ne parlons plus de cela, » faisait-elle en m'embrassant, et nous n'en parlions plus, en effet. Mais plus j'apprenais à connaître le cœur de cet adorable enfant, plus la pensée de ce mariage sans amour me paraissait abominable. J'essayais de faire partager, sinon mes craintes, au moins quelques-uns de mes scrupules à la comtesse Urtrel, qui me répondit que sa fille était absolument libre. J'allais jusqu'à poser à M. de la Roche-d'Aida la plus étrange question, en lui demandant s'il se croyait aimé de Noémie. Il me dit, comme un amoureux aveuglé, qu'il l'aimait tellement qu'elle finirait par en être touchée. Aussi bien elle se montrait parfaite à son endroit, et d'une douceur qui n'était pas de l'hypocrisie, car elle en était venue à considérer que si ce mariage n'était pas le bonheur, c'était le calme, et tout est pour le mieux ainsi, ajoutait-elle, en fixant dans l'espace un point invisible. Je ne fus donc pas trop étonné lorsque j'appris qu'elle avait enfin fixé une date et que le 12 novembre était le jour marqué pour la cérémonie. Je ne vous raconterai pas quels événements précédèrent ce fatal 12 novembre. Tous les mariages du monde se célèbrent d'une manière identique, avec le même cortège obligé de dîner et de réception. Il n'y a de différence que dans la valeur de l'idéal sacrifié sur l'autel des convenances par la fiancée. Je continuais de voir Noémie presque tous les jours. Je faisais pour elle la plupart de ses courses. Et bien que je l'étudiasse avec l'attention la plus passionnée, je ne pouvais rien saisir en elle, sinon la morne accalmie dont s'accompagnent les suprêmes renonciations. Elle avait dans toute sa personne un je ne sais quoi de si vaincu tout ensemble et de si doux que cette vue me brisait le cœur. Je me taisais cependant, soit que son fatalisme obscur commença à me gagner, soit que j'eusse conçu pour elle une de ces amitiés si partiales qu'elles n'ont plus l'énergie du blâme. Et je l'écoutais arranger d'avance des plans de vie auxquels je me trouvais mêlé. Son hôtel ne devait pas être loin du mien. Comme M. de la Roche-d'Aida n'avait point de maison de campagne, elle le déciderait à chercher une terre dans le voisinage de mon château de l'Oise. Quelquefois, elle me questionnait subitement sur ce que j'avais pensé d'elle avant de la connaître. Et quand je lui disais que dès le premier jour je l'avais aimée, quoique ses manières ne fussent pas tout à fait de mon goût, elle me regardait avec une indéfinissable reconnaissance, comme si mes paroles l'eussent soulagée d'un grand poids. C'est qu'il était impossible, dans ces derniers jours de ses fiançailles, d'approcher d'elle sans l'aimer en effet, tant son véritable caractère, enfin délivré de toute attitude, la paraît de grandeur et de grâce tendre. Il n'y avait qu'un personnage, faut-il vous le nommer, pour qui cette douceur se démentit. Ce personnage ayant osé lui parler de ses sentiments persistants pour elle, la réponse de Noémie avait été si insultante que cet homme, tout audacieux et orgueilleux qu'il fût, n'avait pas recommencé. « Vous vous êtes fait un ennemi mortel, » lui dis-je quand elle me raconta cette scène. « Il ne peut plus me faire de mal, » avait-elle répliqué. Tout semblait donc s'arranger pour le mieux dans une situation qui n'avait pas d'issue. Et cependant, je ne crois pas que j'aie jamais éprouvé de tristesse comparable à celle qui s'empara de moi lors de la messe de ce mariage. Lorsque Noémie passa en tête du cortège, toute pâle, dans sa toilette blanche, avec ce visage où transparaissait la plus belle âme et la plus faite pour inspirer et pour ressentir de profonds sentiments, lorsque je rappelais, en présence de cette apparition céleste, l'épouvantable malheur dont cet être délicat avait été frappé par son imprudence et par la scélératesse d'un homme, lorsque je me redis qu'elle marchait à l'hôtel avec un amour sublime auquel cette heure insensée la faisait renoncer pour toujours, non, je ne pus retenir mes larmes. Il me sembla que ce monde frivole et féroce était venu dans cette église assister à une immolation. Ces hommes corrects et ces femmes parées me donnèrent l'impression de bourreaux qui regardent mourir leurs victimes. N'était-ce pas cette vie menteuse de la richesse qui avait, jour par jour et depuis son enfance, conduit la fille de la comtesse Surtrel à cette irrévocable minute? Les mélodies que l'orgue répandait à travers l'église résonnaient à mes oreilles comme autant de marches funèbres. C'étaient des chants de fête qui disaient l'amour heureux, la joie comblée et cependant. À la sortie de l'église et quand, après l'odieux défilé dans la sacristie, je me trouvais dans l'hôtel de la comtesse, cette impression de tristesse accrue encore à cause de la pâleur de Noémie et de sa visible émotion. Mais ce pouvait être l'effet de cette journée, si tragique lorsqu'elle n'est pas divine, pour les âmes d'une certaine qualité. Elle présida cependant à toute la réception avec cette grâce mélancolique dont le charme était si puissant sur moi. Lorsque l'après-midi s'avança et qu'elle dut aller dans sa chambre pour se préparer à partir, les jeunes gens quittaient Paris le soir même, elle me pria, en m'embrassant tendrement, de rester encore un peu avec sa mère. Elle embrassa aussi la comtesse et le comte avec beaucoup d'effusion. Puis elle sortit en nous envoyant un dernier baiser avec la main, et avec ses yeux, un regard dont je compris l'expression singulière, trois quarts d'heure plus tard seulement. Lorsque la femme de chambre, entrant comme affolée, nous dit que mademoiselle venait de se tirer un coup de pistolet dans le cœur. Nous nous précipitâmes. Noémie était étendue par terre, vêtue de sa robe de mariage, son corsage défait, car elle avait cherché la place de son pauvre cœur devant une grande glace au pied de laquelle elle était tombée. Sa tête n'avait heurté aucun meuble en s'affaissant, et nulle trace de sang ne se trouvait sur son visage. Ses yeux bleus étaient tout grands ouverts et comme noyés de pleurs. Elle avait demandé à la femme de chambre de la laisser seule et d'attendre qu'elle la sonnât. Cette fille était dans la pièce voisine, quand la détonation de l'arme, un petit revolver de poche et le bruit de la chute du corps l'avaient fait accourir. Il y avait sur la table trois lettres, dont une adressée à la comtesse, une à M. de la Roche-d'Eda et la troisième à mon nom. Noémie avait écrit ces trois lettres avant de se tuer, avec la fébrilité de main de ceux dont les minutes sont comptées. Après un silence, Mme V ajouta simplement « Je vais vous montrer ma lettre à moi ». Elle sonna et demanda un petit coffret de maroquin noir qu'elle ouvrit avec une clé d'or pendue à l'un de ses bracelets. Elle me tendit une enveloppe déjà un peu jaunie et je lus. J'ai voulu que vous fussiez dans le salon, mon unique amie, quand maman apprendra la nouvelle. Je sais si bien la peine qu'elle va avoir. Je sais aussi la vôtre, et celle de ce pauvre monsieur de la Roche, envers lequel je me sens plus coupable encore. J'avais trop présumé de mes forces. Je ne peux pas être sa femme, je ne le peux pas. Jusqu'à ce matin, et tant que j'ai eu devant moi quelques journées, puis quelques heures, j'ai cru que les sacrifices seraient possibles. Mais voici que depuis ce matin, l'image, l'atroce image, est revenue, et que la plaie s'est rouverte trop fortement. Ah, mon ami, il faut que je m'en aille de ce dur monde. Et puis, il y a une autre raison pour que je parte. C'est que mon sentiment pour celui que vous savez me fait trop souffrir. Songez, mon ami, que j'ai vu le bonheur, que je le vois encore, que cela aurait pu être, que de tristesse dans ces mots. À cet instant où je vous écris et qui est un des derniers de ma vie, je revois cette plage enchantée de là-bas, cette mer bleue, ce beau ciel et lui. Ah, pourquoi l'ai-je connu si tard? De l'avoir perdu, voyez-vous, je ne me serais jamais consolé. Toujours, toujours, ces heures de notre Villa des Cities me seraient revenues, et je serais morte de ce regret, minute par minute. La seule différence, c'est que je m'en vais tout d'un coup. Quand vous y penserez après votre premier chagrin, vous vous direz que j'ai eu raison. C'était irréparable. Vous me pardonnerez parce que vous m'aimiez et que vous me compreniez, et vous ferez pour celle qui ne pourra plus vous parler jamais ce qu'elle vous demande avant de mourir. C'est un comble de douleur pour moi, à cette minute, de songer que si Richard m'aime, ma mort redoublera la peine que lui a causée mon mariage. Je vous conjure de le voir, de lui parler. Il faut qu'il sache que je suis parti pour n'être pas à un autre qu'à lui. Il faut que vous le remerciez des jours célestes que je lui ai dus, et qui furent ma part heureuse sur la terre. que ce souvenir le décide à vivre et à devenir tout ce qu'il serait devenu auprès de moi, si la destinée avait été tout ce qu'elle n'a pas été. Adieu, mon ami. Gardez un souvenir à l'enfant qui mettait sa tête sur votre épaule et qui va s'endormir pour toujours. Laissez-moi vous prendre dans mes bras comme le jour où je vous ai tout dit. Vous ne saurez jamais ce que votre cœur a été pour le mien ce jour-là. Et adieu encore, car cela me fait trop de mal de penser à vous. Vous savez le reste, dit Madame V. La pauvre comtesse vit en Belgique depuis cette fatale journée, perdue de dévotion et de remords. Monsieur de la Roche-d'Eda s'est remarié après une année de désespoir. Le comte Urtrel et Tarabal sont plus âgés de quelques années, et c'est tout. Quant à moi, je ne me suis pas consolé. Et Sir Richard a-t-il vu la lettre de Noémie ? Non, fit-elle. Sir Richard n'aimait pas Noémie, et je n'ai rien eu à lui dire lorsque je suis arrivé jusqu'à lui. Sir Richard n'a jamais aimé que ses tableaux. Alors, repris-je en regardant de nouveau l'écriture tremblée de la lettre. Noémie Urtrel est morte pour rien. Et elle répondit d'une voix altérée. Pour rien. Ainsi s'achève L'Irréparable par Paul Bourget.